Manon Lescaut, Paul de Saint-Victor. Il est des livres licencieux qu'on admire malgré leur souillure, en regrettant de ne pouvoir laver leurs pages entachées. Manon Lescaut offre l'étonnante exception d'un roman qui plaît par sa corruption même, et dont pour rien au monde on ne voudrait réhabiliter l'héroïne. Moins coupable et moins immorale, Manon ne sera plus elle. Sa petite tache de boue sied comme une mouche à sa tête folâtre. C'est le signe auquel la reconnaissent ses amants. Il n'y a pas deux mots pour définir cette lâche et adorable créature. C'est une fille, dans toute l'indécence du mot. Elle appartient à cette race de femmes déchues de naissance, pour lesquelles semblent avoir été inventées les grilles des couvents et les jalousies des harems. Elle n'est que faiblesse, fragilité, puérilité lascive et frivole. Dans quel recoin de sa molle cervelle l'idée du devoir pourrait-elle loger ? Elle va, elle vient, elle se reprend, elle se donne. Elle garde son cœur à son amant, mais elle prête son corps au premier venu. Elle trouve tout naturel que des grieux volent au jeu pour l'entretenir. Elle trouve tout simple qu'ils vivent de la table et qu'ils puisent à la bourse de l'homme auquel elle vient de se vendre. Et elle nous plaît ainsi, et nous ne lui faisons pas grâce d'une souillure. Et si nous écoutons avidement sa confession effrontée, nous lui refusons le baptême qui lui rendrait l'innocence. Il nous la faut fille de joie en même temps que fille de douleur. « Écoute, » dit le sardanapale de Byron à sa maîtresse, devant le bûcher où il va monter, « si tu ne peux sans froid d'horreur songer à te lancer avec moi dans l'avenir à travers ces flammes, dis-le. Je ne t'en aimerai pas moins, oh non, peut-être t'en aimerais-je davantage pour voir céder à ta nature. I shall not love thee, Lise, nay, perhaps more, for yielding to thy nature. » Là est le secret de notre passion pour Manon Lescaut. Nous l'aimons parce qu'elle a cédé à sa nature et qu'elle est admirablement naturelle dans son vice comme dans son amour. Elle est légère, le vent l'emporte, elle est fragile, elle se laisse briser, elle est folle de son chevalier, mais elle est aussi folle de son corps, suivant l'énergique expression dont le Moyen-Âge marquait les femmes de sa classe. Elle ne peut vivre que de luxe, de plaisir et d'oisiveté, et elle prend sa vie où elle la trouve, sur le tapis vert du jeu frelaté ou sous l'oreiller des amours vénales. Et elle met à commettre toutes ces actions honteuses et mauvaises, je ne sais quelle grâce naïve, qui nous effraie et qui nous désarme. Est-ce bien, est-ce mal ? Manon n'en sait rien. Elle ne semble pas plus responsable de ses fautes que la Gazzaladra de ses vols. Comme l'ondine du poète allemand, Manon n'a point d'âme. Que de flammes il a fallu pour purifier ses souillures. Aussi ce petit livre a la fièvre. Il brûle, il palpite. C'est la furie française portée dans les transports et dans les égarements de l'amour. Je m'avançais vers la maîtresse de mon cœur, dit Desgrieux, lorsqu'il voit Manon pour la première fois. Et il se jette dans ses bras, la tête la première. Et de cette étreinte aussi fatale qu'un phénomène d'attraction, ni la trahison, ni le malheur, ni la honte ne pourront jamais l'arracher. De sa première à sa dernière page, le récit garde le ton, l'exaltation, l'entraînante démarche d'un dithyrambe. On ferait une litanie de l'amour des noms idolâtres qu'il prodigue à son héroïne. « Ma chère reine, l'idole de mon âme, la souveraine de mon cœur !» Cela revient à tout propos, et cette ardeur d'expression qui tournerait à l'emphase dans un autre livre semble naturelle à ce style, tant la trame en est enflammée. Quelle spontanéité et quelle persistance, quel emportement et quel entêtement, quelle impénitence finale dans la passion réprouvée. C'est le conte de la courtisane amoureuse retournée, l'amant mettant sa poitrine nue sous les pieds de sa maîtresse et se réduisant lui-même en son esclavage. Jamais cette hallucination infernale ou céleste qui efface la nature entière pour mieux faire ressortir une femme adorée et qui lui donne sur un homme le pouvoir d'un être absolu parce qu'il est unique. « Jamais, dis-je, cette illusion splendide n'a été peinte de plus vives couleurs. » Desgrieux n'a pas une distraction durant le cours de ce long récit. Manon le remplit tout entier de sa présence et de son absence, de ses chutes et de ses rechutes, de ses tendresses et de ses faiblesses. L'idolâtrer lorsqu'il la possède, la retrouver lorsqu'il l'a perdue, lui pardonner quand elle est coupable, la délivrer lorsqu'elle est captive, la pleurer lorsqu'elle est morte avec des larmes de sang, voilà les seules pensées qui l'agitent, l'occupation opiniâtre de cet être, qui semble avoir été créé uniquement au profit d'un autre. Son déshonneur même n'est qu'un effet de cet aveuglement volontaire. Il vole pour Manon, comme Oreste tue pour Hermione, avec un voluptueux fanatisme. Il n'y a qu'elle pour lui sur la terre. Le reste du monde est de bonne prise. Le naïf cynisme avec lequel il confait ses escroqueries d'aigre fin témoigne du peu de remords qu'il en a gardé. On sent qu'il a de la peine à s'en repentir et qu'il estime au fond bien acquises ses pistoles volées qui ont eu l'honneur de payer les rubans et les bijoux de Manon. Lorsque l'amour atteint ce paroxysme, il inspire je ne sais quelle respectueuse compassion, comme la folie, comme le haut mal, comme ces maladies mystérieuses qui semblent venir d'une main surnaturelle s'abattant sur l'argile humaine. De là vient l'irrésistible sympathie qui vous saisit à la lecture de ce livre étrange. De là coulent les larmes brûlantes dont les yeux les plus purs ont baigné ces pages. Abaissez d'un degré la chaleur de cœur qui l'embrase, que Desgrieux faiblisse un instant dans la violence de sa passion, et cette histoire d'un filou et d'une fille perdue devient à l'instant presque odieuse. Mais la flamme soudaine allumée aux yeux de Manon, dès les premiers mots du récit, gagne de page en page, consumant ses souillures, jetant des voiles magiques sur ses nudités, redoublant à chaque nouveau scandale d'effervescence et d'ardeur, jusqu'à ce qu'elle aille s'éteindre au milieu des savanes du Nouveau Monde, avec la mélancolie d'un holocauste dans la solitude. Plus sa maîtresse se dégrade et se perd, et plus Desgrieux s'acharne à l'aimer. On dirait qu'il mesure l'élan de son amour à la profondeur de ses chutes. Il l'aime à l'hôpital, il l'adore sur la charrette infamante qui mène les prostituées à l'exil. Car il n'y a pas d'illusion à se faire sur Manon Lescaut. Elle n'appartient même pas à l'aristocratie des impurs. C'était à Saint-Pélagie qu'on envoyait les grandes courtisanes prises en maraude dans la vie sociale. Quant aux plébéiennes de la confrérie, l'hôpital était leur prison. Oui, Manon appartient corps et âme à cette peuplade de nymphes équivoques que le lieutenant de police régissait à la Turque, comme aurait pu faire un pacha de Chypre si l'île d'Aphrodite avait gardé son vieux culte. Au moindre éclat, à la première plainte d'un père ou d'un oncle, souvent même parce que c'était la saison de cette sorte de chasse, la police lançait ses limiers à la poursuite des filles galantes. On en chargeait des charrettes et on les roulait à l'hôpital, d'où elles ne sortaient que pour être expédiées aux colonies sous la conduite d'un négrier de chair blanche. Tant pis pour la fille séduite, mais honnête encore, qui se trouve prise au milieu de cette razzia violente et confuse. Vénus reconnaissait les siennes. Quel triste pendant au pèlerinage à Cythère, de bateau, que sera de des naufragés de la fange échouant au désert. Elles s'en vont peupler l'Amérique d'amour. S'écrie la fontaine du rivage entre un sourire et une larme. J'ai sous les yeux deux gravures du XVIIIe siècle qui rendent au vif le martyrologe de ces vierges folles. L'une s'intitule « Les vestales tondues et rasées », car le premier acte de la fantasque justice qui les atteignait était de couper leurs cheveux jusqu'à la racine. Elles sont là, une douzaine de filles, rangées devant le tribunal d'un magistrat goguenard, dont la perruque à marteau semble railler leur tête dépouillée. Près de lui, un greffier affairé enregistre cette tonte de brebis galeuses. Deux d'entre elles sont livrées aux ciseaux du perruquier des hautes œuvres, qui montre au juge les chevelures qu'il vient de scalper. Elles pleurent, elles se désolent, elles portent la main à leur front dénudé avec un geste de honte. Celles qui vont être rasées à leur tour se traînent en suppliant aux pieds de leur juge. « Vous croiriez voir Madame du Barry ?» demande en grâce, 30 ans plus tard, non plus pour ses cheveux, mais pour sa tête. « monsieur le bourreau, ne me faites pas de mal !» Un gamin emporte entre ses bras une corbeille pleine de tresses flottantes qui pendent en désordre. Plus loin, détail poignant et misérable, deux chiens des rues, fourvoyés dans ce vil prétoire, tiraillent par les deux bouts une chevelure oubliée qui s'embrouille et se déchire sous leurs dents. L'autre estampe a pour titre « Le départ des Vestales pour l'hôpital ». C'est la charrette des premières et des dernières pages de Manon Lescaut. Une charrette pleine de femmes enchaînées, liées, entassées. Les unes pleurent et les autres rient. Celles-ci tendent les bras à leurs amants, qu'elles aperçoivent dans la foule. Celles-là narguent ou affrontent les huées de la populace. Des soldats du guet escortent, le fusil sur l'épaule, l'abjecte carriole que traînent de forts chevaux de boucher. Où va-t-elle la triste fournée ? On pourrait croire, tant cet omnibus de la Vénus vulgaire ressemble aux charrettes de la terreur, qu'il conduit ses captives à la guillotine. et Manon figure sur cette clé d'infamie. C'est assez dire quel nom et quelle pierre on peut lui jeter. Mais ne regrettons pas les larmes qu'elle nous fait verser. Elle est charmante, malgré tout, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est naïve. Parce qu'elle ne sait pas plus qu'elle fait mal qu'une fille de Tahiti ne sait qu'elle est nue. Son ignorance morale est celle d'un enfant. C'est la jolie païenne de Madame de Sévigné. L'eau du baptême n'a jamais touché cette tête de nymphe érotique. On a beau résister, il faut se laisser séduire par ses yeux fins et languissants, par ce visage capable de ramener tout l'univers à l'idolâtrie. À quoi tient ce charme étrange que les plus austères ont subi? À une simplicité singulière, à un naturel inimitable, à une vérité de chair et de sang qui vous émeut par sa nudité même. Mais on n'analyse point un prestige, cela se sent et ne s'explique pas. Ta maîtresse est-elle grande? Demande à l'amoureux d'un drame de Shakespeare son compagnon d'aventure, et celui-ci de répondre « juste au niveau de mon cœur ». L'abbé Prévost a bien fait d'envoyer Manon mourir au désert. Que serait-elle devenue dans le Paris de vice et debout où elle s'égarait? Dans quel mauvais lieu, au coin de quelle borne, sur quelle paille pourrie de cachot serait-elle tombée? Il fallait la macération du désert à cette Marie l'Égyptienne de la Régence. Un voyageur raconte que les colons qui épousaient les filles déportées les regardaient comme purifiées par leur trajet d'outre-mer. L'océan n'a-t-il point, en effet, une vertu lustrale? L'Européen transporté dans un monde exotique, au milieu de plantes et d'animaux inconnus, ne s'éveille-t-il pas de son existence antérieure comme d'un songe? Il croit aborder une autre planète. C'est une vie nouvelle qui commence pour lui. Du sein de sa civilisation raffinée, la France du XVIIIe siècle aspirait vaguement aux fraîcheurs de la solitude. Elle rêvait des coureurs de bois de ses colonies. Les Indes lui apparaissaient de loin baignées de la molle lumière des mirages. C'est pour lui plaire que l'abbé Prévost ensevelit Manon dans une prairie de la Louisiane et que plus tard Bernardin de Saint-Pierre fera naître Virginie à l'ombre du cocotier parmi les antilopes et les oiseaux de paradis d'une île édénique. Des deux extrémités du monde poétique, Manon et Virginie, la pécheresse et la vierge, s'élancent dans une même migration, sur les mêmes vents alizés, vers des rivages inconnus. La vieille Europe a flétri l'une et n'a eu que le temps de briser l'autre. Virginie plonge dans la mer pour y mourir de pudeur. Manon va cacher son corps profané dans les sables de la savane. Paul de Saint-Victor.